à la poupe ou à la proue. Ça dépend de la marée, de tout un tas d'éléments. Oh ma poupe et à la proue, pour la traverser, me donne une furieuse envie de la caresser. À la poupe ou à la proue, on s'éprend, on s'embrasse ou on s'enlace carrément. Pour ma poupe et à la proue, pour la traverser, me donne une furieuse envie de la renverser. Que l'on aime peu ou prou, l'océan vers l'Afrique ou le Pérou, selon le vent, une poupée à la proue, tu penses au sexe tant que tu en perds la boussole, tu perds ton sexe.